Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie française. Partageant sa vie entre une carrière professionnelle menée tambour battant et une histoire d'amour sans faille avec Fabrizio, Alex se voit proposer un poste à New York. À presque 40 ans, elle doit faire face à un choix difficile. Parfois, je vous envie, Fabrizio et toi, vous êtes libres, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous le désirez, je vous emmène à New York. À New York? J'adore l'idée. À notre départ à New York. Excusez-moi, je n'ai que ça. Bah oui, mais vous voyez pas que je suis enceinte? Et là, débarque une connasse enceinte. Mais ça va pas si j'attendais un bébé. Si j'attendais un bébé, on n'en veut pas de bébé que je sache. Oh, tu m'emmerdes, Fabrizio. Tout le monde est toujours très content pour moi, sauf moi. New York, waouh, c'est génial. J'en ai marre d'avoir des couilles pour deux. Pensez-vous qu'il est facile pour une femme qui a des couilles de faire des enfants, par exemple? Tu veux plus y aller? Je réfléchis, c'est tout. Comment on va bien pouvoir t'appeler? Je me pose des questions. Des questions sur quoi, Alex? Sur mon désir d'avoir un enfant. Je suis bien trop conne de rester avec un mec comme toi. Je suis prêt à vous héberger quelques jours dans mon grand appartement. Pour l'instant, je vais juste vous laisser payer l'addition. Une femme sans enfant se sent forcément inutile. J'ai le baby blues. Je suis même pas enceinte. Baby Blues, un film de Diane Bertrand avec Karine Viard, un DVD France Télévisions.